Maintenant, il est nécessaire d'expliquer comment M. le baron Hulot était arrivé à grouper les chiffres de la dot d'Hortense et à satisfaire aux dépenses effrayantes du délicieux appartement où devrait s'installer Madame Marneffe. Sa conception financière portait le cachet du talent qui guide les dissipateurs et les gens passionnés dans les fondrières où tant d'accidents les font périr. Rien ne démontrera mieux la singulière puissance que communiquent les vices et à laquelle on doit les tours de force qu'accomplissent de temps en temps les ambitieux, les voluptueux, enfin tous les gens du diable. La veille, au matin, un vieillard, Johann Fischer, faute de payer 30 000 francs encaissés par son neveu, se voyait dans la nécessité de déposer son bilan si le baron ne les lui remettait pas. Ce digne vieillard, en cheveux blancs, âgé de 70 ans, avait une confiance tellement aveugle en Hulot, qui, pour ce bonapartiste, était une émanation du soleil napoléonien, qu'il se promenait tranquillement avec le garçon de la banque dans l'antichambre du petit rez-de-chaussée de 800 francs de loyer, où il dirigeait ses diverses entreprises de grains et de fourrage. « Marguerite est allée prendre les fonds à 2 pas d'ici, » lui disait-il. L'homme, vêtu de gris et galonné d'argent, connaissait si bien la probité du vieil Alsacien qu'il voulait lui laisser ses 30 000 francs de billets, mais le vieillard le forçait de rester en lui objectant que 8 heures n'étaient pas sonnées. Un cabriolet arrêta, le vieillard s'élança dans la rue et tendit la main avec une sublime certitude au baron qui lui donna 30 billets de banque. « Allez à 3 portes plus loin, je vous dirai pourquoi, » dit le vieux Fischer. « Voici, jeune homme, » dit le vieillard en revenant compter le papier au représentant de la banque qui l'escorta jusqu'à la porte.